sound of the police. On a entendu un gros boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Salut, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole à celles et à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Alors le Maglib est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Comme on est en direct, vous pouvez nous contacter par téléphone pendant l'émission au 02 28 25 23 88 ou alors vous pouvez nous envoyer des mails sur notre adresse à maglib@riseup.net. Et puis ben, vous pouvez aussi nous retrouver, en tout cas nos podcasts, sur notre site maglib.noblogs.org. Alors aujourd'hui, dans notre petite émission, on va vous parler des CRA, on va vous parler d'enfermement de mineurs et d'un statut de la correction paternelle. On va aussi vous causer d'un journal de recherche d'emploi. Et puis, ben, on va commencer d'abord par vous diffuser deux sons qui concernent des actions qui ont eu lieu la semaine dernière dans le cadre de la grève. Alors, du coup, pour présenter ces deux sons, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a un mouvement depuis maintenant plus d'un mois, peut-être bientôt, on dépassera le stade des deux mois, un mouvement de grève contre la réforme des retraites et puis contre plein d'autres trucs, plein de mesures anti-pauvres, anti-sociales que ce gouvernement met en place. La semaine dernière, il y a eu des actions un peu partout sur le territoire et à Nantes notamment, il y a eu pas mal d'actions. On va aujourd'hui parler de deux actions. La première, le premier son que vous allez écouter, c'est un son sur une action rue gratuite, donc restaurant universitaire gratuit, qui a été mise en place par les étudiants pour dénoncer la précarité, notamment la précarité des étudiants, mais pas que. Et on commence par celui-là, puisque actuellement à Nantes, donc aujourd'hui, à midi, il y a aussi une action rue gratuite. Donc si vous êtes vers la fac de lettres et tout, vous pouvez aller renforcer les camarades qui sont en train de faire cette action. Et puis, vous pouvez aussi aller, bien sûr, manger sans débourser un centime. Il suffit de faire un peu la chasse au trésor pour trouver dans quel restaurant universitaire c'est. Donc, on vous laisse écouter. Donc, c'était le 21 janvier. Et ça dure, je crois, 7 minutes. À tout de suite. Le rendez-vous était donné ce mardi 21 janvier 2020 devant le théâtre universitaire, près de la fac de lettres et sciences humaines à Nantes, en fin de matinée. L'idée était de bloquer les caisses du restaurant universitaire proche, bref, une opération en rue gratuite contre la précarité étudiante et les différentes réformes en cours. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est meilleur quand c'est gratuit. général demain, parce que la vie est beaucoup trop chère. Bon, moi j'attends mon assiette. Merci. Bonjour. Bon, et où c'est demain? Bon appétit. Ah, on verra demain. Ouais, cool, merci. C'est gratuit, contre la précarité. C'est gratuit, monsieur. C'est gratuit, monsieur. Contre la précarité, contre la précarité. Ça sert à distribuer, parce qu'ils sont aux escaliers, ils distribuent à tout le monde. Ah ouais? Non, non, il y en a, ils les prennent. Les caisses sont bloquées, là? Ouais, les caisses sont bloquées, ouais. Ok, on est nombreux, alors. Alors, avec un groupe étudiant, nous avons mené une action au restaurant universitaire de l'Université de Nantes. Donc nous sommes postés aux caisses et nous avons informé les étudiants par mégaphone que les repas étaient offerts, du moins gratuits. Voilà, ça s'inscrit dans un contexte social assez large, contre notamment la précarité étudiante. On a tous en tête notre camarade qui a fait une tentative de suicide quelque peu médiatisée. Et voilà, contre la précarité étudiante et également contre l'ensemble des réformes qui sont menées par le gouvernement Macron, contre toutes les conquêtes sociales qu'on avait réussi à mener contre l'État. Et notamment la réforme des retraites, voilà. On pense aussi sur l'université à la nouvelle loi qui va sortir bientôt, c'est la LPPR, loi de programmation pluriannuelle de la recherche, voilà, qui va précariser les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses. Voilà, donc les enseignants et les enseignantes ont été assez peu mobilisés, mais on peut quand même noter quelques enseignants qui sont mobilisés lors de la loi ORE puis la loi Bienvenue en France. Je ne vais pas les nommer, mais il y en a quelques-uns et quelques-unes. Voilà, donc nous étudiants, on est déter pour continuer à se battre contre le capitalisme et tous ses avatars. Ça vous intéresse de venir en discuter de ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant dans cette mobilisation? Je vous rappelle qu'il y a une assemblée générale qui est prévue demain midi en amphi gauche. On est vrai, vraiment, ce serait super cool que vous veniez pour discuter et changer des avis. C'est important de se mobiliser, même en tant qu'étudiant, même si la réforme des retraites, ça paraît loin. On peut avoir un poids énorme en fait dans cette mobilisation et on n'est pas tout seul, il y a énormément de secteurs qui sont en lutte. Il y a la SNCF, il y a les profs, il y a les. Je travaille dans la RATP, il y a les éboueurs aussi. Donc voilà, c'est vraiment un contexte de lutte sociale énorme en ce moment. Et ce serait bien qu'on y soit et qu'on se mobilise là-dessus. Bon, au début, il y a toujours un petit moment de tension, mais les mots aidants, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'opposition vive. Il y avait du personnel du CROUS qui était là, mais il n'y a pas eu de film, pas eu d'enregistrement. Ils ont été simplement surpris et... Il y a une personne qui a vaguement tenté de nous voir la route, mais qui a vite cédé. Et voilà, globalement, les étudiants étaient tous très réceptifs. J'ai peut-être noté une ou deux personnes qui tenaient absolument à payer, mais à part ça, les étudiants étaient contents qu'on puisse manger gratuitement. C'est gratuit aujourd'hui. Il y a une assiette demain midi. Bon appétit. C'est gratos. Bon appétit, s'il vous plaît. Vous l'avez demain. Alors les AG là, cette semaine elles se relancent pas mal parce qu'on a essayé après les examens de faire des grosses communications sur la prochaine AG qui a donc lieu demain midi le 22 janvier. Et on espère que ça va bien prendre et là on a fait du coup une grosse opération de communication en plus du rue gratuit et du resto universitaire gratuit et voilà. Donc on espère que ça va bien se lancer et on est très motivés. En AG, il y avait assez peu de monde parce qu'en plus avec les examens, il y a eu une grosse démobilisation que l'administration n'a pas voulu pendant les examens malgré la demande des profs et des élèves de reporter les examens les jours de mobilisation. Donc tout le monde a dû bosser ses examens. Donc il y a eu une grosse désaffection, mais pendant les vacances et à la rentrée, il y a eu une grosse mobilisation qui s'est créée dans les réseaux militants de la fac. Pour la communication en tout cas, et du coup on essaie de mobiliser toute la fac et on espère que ça va prendre de l'ampleur. Bah déjà après l'AG de mercredi, on a une opération qui est à la suite de l'AG, donc à 15h, l'AG est à midi, c'est d'aller devant le rectorat contre les réformes actuelles qui vont être passées, et les profs sont mobilisés. Si je me trompe pas, c'est eux qui ont fait appel à cette manifestation devant le rectorat. Et du coup, bah, on va faire un appel en AG pour aller directement après l'AG faire un petit rassemblement devant. Voilà. Et sinon, les propositions d'action seront faites en AG. Et on a pas mal d'idées, notamment on aimerait bien lancer une batucada sur la fac pour relancer l'ambiance. On a les projets qui ont été mis un peu en stand-by de cantine solidaire, de friperie solidaire, etc. Mais qui sont relancés progressivement et la reconstruction des réseaux qui a été fait un peu après la rentrée, là, ça va permettre, je pense, de bien relancer tous ces projets en parallèle des luttes actuelles. On est de retour dans le magazine Libertaire sur Jet FM. On vient donc d'écouter un son sur l'opération Resto U gratuit de la semaine dernière à la fac à Nantes. J'ai oublié de préciser que ce son, comme le suivant, en fait, c'est des sons qui ont été faits par Radio Cayenne, qui est une web radio de lutte à Nantes, que vous pouvez écouter tous les lundis à partir de 19h sur Internet, sur radio.antirep.net. On va maintenant passer un deuxième son, et ce deuxième son, c'est le blocage de la distribution du Ouest France, et c'était le 22 janvier, donc la semaine dernière. Si tu passes, tu ressors plus. C'est, y a aucun journal qui sort. Ah oh, d'accord. Donc soit tu rentres. Si tu rentres, atterrisque. Tu ressors plus, par contre. Ah ouais, bon bah tu peux faire demi-tour là, au rond-point là et puis là, tu du rond-point, ce sera plus simple. C'est mort pour ressortir. Ah ouais, tu ressortiras pas là. Avec ta... On sait que tu vas charger les journaux pour ça. On va sortir aucun jour. Ouais, non, bon, bah c'est bon, du coup, j'ai tombé. Alors, ouais, mieux pas. Pas chargé, ouais. Par contre, faire demi-tour. Ouais, fais le tour. Juste demi-tour. Fais le tour du rond-point, tu ressors ensuite. Ouais, ouais, bon, bah du coup. Si tu fais juste demi-tour, on te laisse. Mais si tu. Ouais, non, je fais demi-tour. Si tu vas là-bas, tu pars pas. Tiens, je te le dis. Ouais, d'accord. Très bien ta boîte, je sais pas, démerde-toi, mais... Nuit du 21 au 22 janvier 2020 à La Chevrolière, non loin de l'imprimerie du groupe Ouest France. Une quarantaine de personnes, syndicalistes, gilets jaunes, autonomes, se rejoignent sur le rond-point qui dessert la zone industrielle où sont situées les presses nantaises du journal de la famille Hutin. La générale, c'est la grande générale. Nous sommes, c'est la grève générale. Nous sommes, c'est la grève générale. Parce qu'on bloque ces journaux, ils sont pleins de journaux, c'est pas les camions. Pas les journaux en fait. Voilà. Les camions, ils peuvent passer. C'est le BFM TV local en fait, c'est ça. Le BFM TV local. Aujourd'hui, Ouest France se demande si la police municipale doit être armée. Voilà, encore un policier est passé de police. Je pense qu'ils n'ont pas le même point de vue que nous. Ah bah, je sais pas, je demande. Sur la question. C'est aussi la grève, hein, c'est le mouvement. C'est la une du lendemain, c'est important. C'est lié tout ça, vous savez. C'est pas fini, hein. Ils nous disent que c'est fini, mais c'est pas fini. C'est ça qu'ils ont envoyé tous les canards. On est là. Mais d'un côté, on est là. On est là. Nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Au petit matin, après s'être assuré que les transporteurs ont regagné leur pénate, les bloqueurs et les bloqueuses lèvent le camp. L'opération aura permis d'empêcher la diffusion des deux tiers des journaux produits par l'imprimerie, soit un grand nombre d'éditions de Ouest France, de l'Atlantique et de Vendée, ainsi que des éditions nantaises de Presse Océan, soit précisément 73 332 exemplaires, le reste étant parti juste avant le début de l'action. Approche. Ah, j'ai soufflé dans le tuba. Isabella, les yeux bleus, les yeux bleus d'Isabella. Le groupe Ouest France a décidé de porter plainte pour entrave à la liberté d'expression et entrave à la circulation. Le groupe SIPA Ouest France, qui a une position de quasi-monopole dans le Grand Ouest, s'oppose ainsi en défenseur de la liberté d'expression. Lui qui se fait si fréquemment le vecteur de la ligne gouvernementale de droite, macroniste ou traditionnelle, en tout cas souvent hostile aux mouvements sociaux et défenseur de valeurs réactionnaires sur la famille notamment. Sans pain, sans pain et sans armes, nous allons être gouvernés par El Mouchard et les gendarmes. Des sabres peuples et des curés, oui mais ça rend le long, le manche, les mauvais jours finiront, et gare à la revanche, quand les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au foyer de misère sera-t-il ton jour rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils l'heure du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous prendra-t-elle la liberté en imposant sa république de patrons et de policiers? Oui mais ça rend le long, le manche, les mauvais jours finiront, et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On est de retour dans le direct, dans le magazine Libertaire sur Jet FM. On vient d'entendre un son du blocage de Ouest France la semaine dernière, donc le 22 janvier. Et pour conclure sur le sujet, je voulais vous filer les dates des prochains rendez-vous, en tout cas des rendez-vous de la journée. Donc en ce moment, quelque part vers la fac de lettres a priori, il y a une opération Resto U gratuit. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Peut-être qu'un moyen de trouver où c'est de regarder où il y a les flics. Ensuite, il y a à 14h une assemblée de lutte Place Bouffet. 14h Place Bouffet, assemblée de lutte. Et une manifestation à 15h et le rendez-vous est au miroir d'eau. On va se quitter on va arrêter ce sujet sur une petite musique. Ça s'appelle Marianne et c'est du groupe West Coast. T'es bien Marianne avec tes flics à jouer la démocratie. Sur trois passants, y'a deux indiques et le troisième est en habit. T'es bien Marianne avec tes flics à jouer, on est mieux qu'en Grèce. Sur trois passants, y'a deux indiques et le troisième est CRS. Et sous tes airs de fine gueule, y'a la révolution qui gronde, y'a la révolution qui gueule, et moi j'irai pleurer ta tombe. T'es bien Marianne avec tes armes dressées le long de nos cercueils. À Paris devant tes gendarmes, il faut oser porter le deuil. Tu nous as déjà fait charogne, c'était bien pour un premier tour. T'as rempli les à la Sorbonne et t'as gagné à Billancourt. Mais sous tes airs de fine gueule, y'a la révolution qui gronde, y'a la révolution qui gueule, et moi j'irai fleurir ta tombe. Tu me feras l'âme soumise et tu interdiras mes chansons. Mais pour que tu me relises, je finirai dans tes prisons. Et l'on y fait vite finir, on dit que le silence est d'or. Mais j'écrirai pour le plaisir, t'es bien Marianne avec tes morts. Mais sous mes airs un peu bégueule, j'ai la révolution qui gronde, j'ai la révolution qui gueule, et j'ai la révolte féconde. pas me dire que je fais commerce de mots. Je ne joue pas les faux martyrs de la faucille et du marteau. Je ne joue pas les faux mahons ni les anards façon 16e, convaincu d'apprendre au prolo à chanter gloire au 17e. Mais sous vos airs un peu bégueule, y'a la révolution qui gronde, y'a la révolution qui gueule, et moi j'irai fleurir ta tombe. La liberté qu'on assassine, je ne la vends pas en chanson. J'habite à côté d'une usine et ne connais pas les salons. Et j'ai vu de mes yeux de gosse tant de vérité sur les murs que j'ai la révolte précoce et tôt mes premières blessures. Mais sous tes airs dont tu me gueules, y a la révolution qui gronde, y a la révolution qui gueule, et moi j'y vais. Avec le journal de la recherche d'emploi, votre actualisation mensuelle s'enrichit. Désormais, l'actualisation sera également l'occasion de mettre en valeur vos démarches. Avec le journal de la recherche d'emploi, l'actualisation passe d'un simple acte administratif à un moment vous permettant de prendre du recul sur vos recherches. Renseignez vos démarches dans votre espace personnel tout au long du mois et validez-les lors de votre actualisation, quelle que soit votre situation. Des candidatures, des entretiens, des formations ou des démarches de création et reprise d'entreprise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toute information est utile pour adapter votre accompagnement et bien sûr, cela n'a aucun impact sur vos allocations. Ce nouvel outil permettra d'enrichir les rendez-vous avec votre conseiller et de nourrir les propositions qu'il vous fera. Le journal de la recherche d'emploi, c'est une solution pour mieux vous accompagner et un nouvel espace pour suivre et centraliser vos démarches de recherche d'emploi. Retrouvez le journal de la recherche d'emploi dans votre espace personnel sur pôle-emploi.fr ou sur les applications mobiles Pôle emploi. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur JetFM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. Donc vous venez d'entendre le son d'une vidéo de présentation du journal de la recherche d'emploi selon Pôle emploi, alors que pour les demandeurs d'emploi, elle constitue une nouvelle mesure de contrôle des chômeurs. C'est une information qui nous vient d'un site qui s'appelle larotative.info, qui est un site collaboratif d'infos locales à Tours et aux alentours de Tours. Alors en effet, à partir du 28 janvier, donc hier, les chômeurs et chômeuses d'Indre-et-Loire devront déclarer leur démarche de recherche d'emploi dans un journal dédié à cela. Donc l'expérimentation qui concerne également 9 autres départements pourrait être généralisée à tout le pays. Avez-vous travaillé ? Chaque mois, les personnes inscrites à Pôle emploi répondent au même questionnaire. Ceci va conditionner le versement de leur allocation. Mais la période d'actualisation qui s'ouvre le 28 janvier introduit une nouveauté aux conséquences encore floues. Le journal de la recherche d'emploi est présenté comme une évolution qui enrichit l'actualisation. Chaque mois, les demandeurs et demandeuses d'emploi devront renseigner toutes les démarches effectuées en vue de retrouver un job ou de créer une entreprise. Alors que la vidéo que vous venez d'entendre, la vidéo de présentation, qui est disponible sur YouTube, fait passer ce journal pour une étape joyeuse et nécessaire du parcours qui mènera le demandeur d'emploi vers le métier de ses rêves, le dispositif constitue en fait une nouvelle étape du contrôle des chômeurs et des chômeuses. Dans le Doubs, l'un des départements concernés par cette expérimentation, la coordination des intermittents, intermittentes et précaires de Franche-Comté appelle les demandeurs et demandeuses d'emploi des départements concernés par le test à ne pas en tenir compte. À Besançon, les organisations de chômeurs-chômeuses s'organisent. Il y a eu un rassemblement de soutien aux demandeurs et demandeuses d'emploi hier matin devant un pôle emploi de Besançon. Dans son communiqué, la coordination des intermittents et précaires indique avoir demandé des explications sur ce nouveau journal. Et ils ont obtenu les réponses suivantes. Vous n'êtes pas concerné, cette démarche n'est pas obligatoire, c'est pas du contrôle. Ces réponses, a priori rassurantes, tranchent avec le ton qu'on trouve par ailleurs. Sur l'application Pôle emploi, les personnes inscrites ont reçu le message suivant. Vous devrez, donc ce qui veut bien dire que c'est une obligation, à partir du 28 janvier 2020, déclarer vos démarches de recherche d'emploi. Quant au texte du décret du 26 juillet 2019, organisant l'expérimentation du journal et de la recherche d'emploi, il parle bien d'une obligation de renseignement du journal. Il ne s'agit donc pas, comme le dit la voix off de la vidéo de Pôle emploi, d'un moment permettant de prendre du recul sur vos recherches, mais bien des nouveaux types de contrôles auxquels doivent se soumettre les chômeurs et chômeuses. Malgré le ton rassurant de Pôle emploi, qui dit qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, que cela n'aura aucun impact sur les allocations, les précaires du Doubs ne s'en laissent pas compter. Nous ne voyons pas d'un bon œil ce nouvel outil dans la mesure où nous sommes déjà soumis à des accompagnements avec des conseillers et conseillères. Si dans un premier temps, certaines réponses en provenance du service public de l'emploi peuvent laisser entendre une étape facultative, nous ne savons toutefois pas comment vont être traitées les données, ni comment va évoluer le questionnaire au fil du temps. Quand bien même on nous assure une mesure non punitive, quid d'une série d'actualisations de 3 mois chômés sans réponse au journal ? Devrons-nous fournir d'autres preuves ? Serons-nous convoqués plus souvent ? Serons-nous radiés en suivant les réponses ? Nous refusons cette méthode d'actualisation. Nous demandons à Pôle emploi de supprimer cet outil inadapté et irrespectueux. Alors que la dernière réforme de l'assurance chômage, donc on en avait parlé ici, la réforme qui a pris effet donc au 1er novembre 2019. Cette réforme donc qui durcit les conditions qui permettent d'ouvrir des droits et se traduira par une chute brutale du montant des indemnisations, et que le gouvernement a les yeux rivés sur l'évolution des chiffres du chômage, il est difficile de croire que ce journal ne constitue pas, à terme, un outil supplémentaire pour procéder à des radiations. Donc la vidéo que vous avez entendue au début, donc la vidéo de présentation, selon Pôle emploi, vous pouvez la voir sur YouTube, en fait, elle est mise en ligne sur YouTube. Elle s'intitule « Avec le journal de la recherche d'emploi, votre actualisation s'enrichit ». Et on peut aussi avoir des informations, donc, comme je l'ai dit, sur larotative.info. Il y a aussi eu des informations donc, du côté de Besançon. Et il faut savoir que le journal de la recherche d'emploi a d'abord été déployé dans l'Indre et en Haute-Saône à partir de novembre 2019, donc au moment... Donc, de la mise en place de la dernière réforme de l'assurance chômage. Il est étendu à l'Indre-et-Loire, l'Eure-et-Loire, le Doubs, la Nièvre, le territoire de Belfort et le Jura, à compter de janvier 2020. Et à partir de février 2020, il sera également déployé dans le Cher, le Loiret, le Loir-et-Cher, la Côte d'Or, l'Yonne et la Saône-et-Loire. Donc, ça fait quand même une grande partie de la métropole française concernée par cette expérimentation. Donc, je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse d'avoir des informations sur ce nouveau dispositif de Pôle emploi. J'ai eu les informations, comme je vous l'ai dit, sur larotative.info. Si on trouve des informations, on les mettra en lien sur notre site. Nous allons écouter un petit morceau de musique avant de passer à la suite de l'émission. Il y a un petit souci technique, d'accord. Alors, sur Disjoncté, alors sinon par rapport au journal d'information, au journal de recherche d'emploi, il y a aussi, vous pouvez lire un article qui s'appelle « Rassemblement de soutien aux demandeurs, demandeuses d'emploi » qui a eu lieu à Besançon. Et vous pouvez le retrouver sur le site disjoncté.info. Est-ce que le morceau est prêt ? D'accord, on se retrouve après un morceau de musique. À toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps.

Vous êtes toujours en direct dans l'émission du magazine Libertaire. C'est maintenant l'heure du billet qui s'intitule aujourd'hui « La correction paternelle et l'enfermement des mineurs ». Ouais, j'ai entendu dire récemment que la paternité était en voie de disparition. C'est en tout cas ce que scandait dans la rue une horde inquiétante et bigarrée, mêlant catho-prosélytes de tout poil, nostalgiques à fleur de lys, militants d'extrême droite, et même quelques gilets jaunes, customisés à grands coups de croix christiques. Leur slogan portait donc principalement sur le risque d'éradication sociale des pères, et logiquement, du risque fondamental qu'encourait notre monde de devenir, de ce fait, un enfer terrestre. Une sorte d'Australie planétaire où brûleraient nos âmes à jamais, comme pour mieux nous punir de ne pas avoir su protéger l'équilibre éducationnel de nos enfants. Bon, quitte à assumer d'argumenter n'importe comment et raconter des conneries, autant pousser l'art du paralogisme jusqu'à son paroxysme. Et ouais, paf. Ce qui est réel, en revanche, c'est bien la transformation des rôles sociaux, quel que soit le sexe, le genre, la catégorie socio-professionnelle ou le statut de classe sociale, etc. Bref, je ne vais pas tous vous les faire, vous avez compris. C'est d'une manière générale toute la société, et infailliblement nous aussi, en tant que ses sujets et actrices, acteurs, qui sommes en mouvement continuel et donc en mutation perpétuelle. Et les pères n'échappent donc pas à la dure loi du temps social qui passe. Bon. Il faut bien leur reconnaître quelques désagréments dans la nouvelle mouvance contemporaine. Leurs privilèges, qui s'étiolent à mesure que leurs responsabilités et leurs devoirs s'accroissent, par exemple. Ça s'appelle « travailler plus pour gagner moins » en langage économique. Ce qui aboutit finalement à une position sociale paternelle affaiblie, d'oubli d'une autorité légèrement sapée. Mais il faut dire aussi qu'avant eux, les quelques milliers de générations de pères qui les ont précédés ont bien profité du pouvoir qui leur était conféré. Alors mon but aujourd'hui ne sera pas d'évoquer les problématiques liées à la paternité dans sa globalité, mais plutôt de cibler un des innombrables points sensibles et représentatifs de cette autorité toute puissante que fut celle des pères à travers les âges. Étude difficile s'il en est, car peu de sources permettent de relater l'intimité de ce type de relation familiale. La tâche est un chouïa facilité lorsque cette représentation du pouvoir est codifiée et utilisée en guise de loi, nous laissant alors quelques traces écrites nous permettant de faire revivre les temps et les us passés. C'est justement le cas de ce que l'on a appelé jadis la correction paternelle et qui appartenait donc au code civil. Derrière cette sinistre appellation, datant de 1804, se camoufle mal l'émergence d'une puissance verticale et hiérarchique octroyant ni plus ni moins à celui que l'on désignait encore alors comme chef de famille le droit de faire emprisonner sa progéniture, et cela sous n'importe quel motif. Mais avant d'aboutir à cette ultra-moderne législation, le droit familial d'inspiration romaine a longtemps accordé au père le droit de vie et de mort sur ses enfants. C'était simple, direct, efficace, et au moins, ça prenait pas de place dans le codex. Bon, en réalité, ce droit était beaucoup plus théorique que pratique, si l'on en croit nos historiens. Ensuite, il a fallu attendre 1639 pour que le roi de France fasse préciser juridiquement l'organisation de la structure familiale par déclaration royale. Les enfants doivent alors obéissance à leur père, de la même manière que les sujets doivent obéissance au roi. Le père se voit en outre attribuer le droit particulier d'utiliser des lettres de cachet dans le but de faire enfermer au besoin les enfants rebelles. Le père, le roi, les enfants, les rebelles, la prison. Vous la voyez bien là, la grosse ficelle ? Quoi qu'il en soit, c'est de fait la première apparition officielle de la correction dans le droit français. La Révolution française assouplit momentanément les règles inhérentes au droit familial avant que le code napoléonien ne rétablisse l'autorité paternelle dans sa toute-puissance patriarcale d'antan. Nous sommes en 1804, donc, et les articles 371 à 387 du code civil spécifient alors, sous le titre, je cite, « de la puissance paternelle », histoire que ce soit bien clair pour tout le monde, comment les enfants sont ainsi soumis à l'autorité de leur géniteur. Il en ressort que ces enfants, s'ils sont âgés de moins de 16 ans, peuvent être envoyés en prison, pour une durée d'un mois, sur simple requête du père. S'ils sont âgés de plus de 16 ans, alors la durée de l'emprisonnement s'étend à ce moment-là à 6 mois. Même si rien n'empêche bien entendu le père de famille de réitérer une requête après libération, pour un petit surplus. Ainsi, dans les prisons françaises, entre le 19e et le 20e siècle, ce sont chaque année plus de 1000 enfants qui seront enfermés pour des motifs divers et variés, allant du crime violent au simple désaccord avec le père de famille, voire au vagabondage, pour le cas des nombreux orphelins, enfants abandonnés ou tout simplement issus de l'extrême pauvreté. Dès le départ, l'idée stupide de l'enfermement comme modèle éducatif se heurte à la réalité. Mélangés qu'ils sont avec les adultes dans les prisons déjà existantes, une majorité d'enfants ressort d'entre leurs murs pleinement formés à la délinquance. faudra quand même plus d'une décennie à l'administration de l'État français pour bien intégrer les conséquences de son erreur. Elle décide alors de créer des quartiers distincts au sein des prisons destinées aux plus jeunes, avant de faire construire des centres pénitentiaires uniquement dédiés aux mineurs, âgés de 7 à 20 ans, comme ça sera le cas notamment de la Petite Roquette, inaugurée en 1836 à Paris. Ici comme ailleurs, les enfants emprisonnés y connaîtront le froid humide des cachots individuels de 5 mètres carrés non chauffés, dans lesquels ils passent 22 heures par jour et où il est strictement interdit de parler. Ils connaîtront aussi évidemment la faim et la soif, recevant moins que le minimum vital pour survivre. Puisque légalement, en tant que mineurs, ils n'ont aucun droit et que l'État n'a de fait aucun devoir envers eux. Mais bientôt, quelques années plus tard, les critiques se mettent à pleuvoir. Et l'État, qui pensait s'être débarrassé d'un problème encombrant, va être obligé de rechercher une nouvelle solution pour dissimuler ses enfants maudits. Il jette cette fois son dévolu sur les colonies agricoles pénitentiaires, qui en réalité sont toujours des prisons, mais dont on a juste modifié le cadre et le nom, pour faire en sorte que ça soit plus présentable. Et que l'on a déplacé au fin fond de la ruralité, au plus loin des regards gênants. Parfois même, jusque sur les îles, où l'on crée dès lors de véritables bagnes pour enfants, à l'instar de celui de l'île de Levant, en Méditerranée, de Belle-Île-en-Mer, ou de l'Islette à Guillaume, à La Réunion. Mais des bagnes, oui, car les enfants qui y passent doivent travailler comme des bêtes au profit des administrations publiques, privées ou religieuses qui gèrent ces lieux, usant et abusant de cette main-d'œuvre infantile à haut seuil de rentabilité. Le tout sous couvert de rééducation sociale. Une main-d'œuvre qui doit endurer en outre les conditions d'hygiène déplorables, la malnutrition, les sévices sexuels, avec en ligne de mire une mort quasi certaine. Car, comme tout bagne qui se respecte, peu sont ceux qui en réchappent, que leur fin soit provoquée par la violence normalisée des matons ou par l'omniprésente dysenterie. Le sort des filles n'est guère plus enviable, car même si leurs sources historiques décrivant leur quotidien sont rares, la plupart des filles mineures sont envoyées dans les quartiers de détention au sein d'établissements religieux dirigés par des congrégations de sœurs. La discipline qui y règne est des plus sévères et les punitions sont quotidiennes. Puis finalement, lorsque l'État décidera de ne plus financer l'accueil de ces jeunes filles détenues par les congrégations, celles-ci retourneront dans les prisons de femmes, comme cela se faisait au début du XIXe siècle. D'ailleurs, si les filles sont beaucoup moins nombreuses que les garçons dans les centres d'incarcération, il est notable de remarquer qu'elles seront statistiquement défavorisées en comparaison de leurs congénères masculins, étant plus condamnées et à des peines plus longues pour des délits majoritairement similaires tels que la mendicité, le vagabondage ou la prostitution. Le XXe siècle n'apporte aucune amélioration au sort de tous ces enfants emprisonnés. D'abord parce que personne ou presque ne sait ce qui se passe au sein de ces colonies ou de ces congrégations. Puis viendra, après la fin de la Première Guerre mondiale, toute une série de virulentes campagnes de presse à l'encontre de ces bagnes. En même temps que de nouveaux domaines émergents, médecine, psychologie, services sociaux, etc., ne viennent fourrer leur nez dans les dossiers sordides de l'administration pénitentiaire. Cette dernière refera encore le coup du changement d'appellation en 1927, renommant ses colonies pénitentiaires « maisons d'éducation surveillées » et ses matons rien de moins que « moniteurs ». Évidemment, les pratiques restent exactement les mêmes. Un fait cependant va changer la donne. Un événement riche d'enseignements qui devrait nous inspirer en cette époque troublée de lutte inachevée. Cela se passe le 27 août 1934 dans la colonie pénitentiaire de Belle-Île, dont je vous ai déjà parlé plus haut. À l'heure du repas, un des enfants emprisonnés croque dans sa portion de fromage avant d'avoir fini de boire sa soupe, ce qui est rigoureusement interdit, enfin en tout cas par rapport à ce que prévoit le règlement. Il est immédiatement passé à tabac par les matons du centre, déclenchant un mouvement de solidarité des autres enfants. Matraqués à coups de nerfs de bœuf, ces derniers réussissent quand même à déborder leur geôlier et près d'une cinquantaine parvient même à s'enfuir. Ils seront presque tous récupérés et sévèrement punis après l'annonce d'une récompense de 20 francs pour chaque enfant capturé, gracieuseté dont la population de l'île et les touristes présents ne se priveront pas de profiter. Inspirant par là même le poème de Jacques Prévert, La chasse à l'enfant, et heurtant fortement l'opinion publique. Pour le reste, la suite n'est que peu engageante. La Seconde Guerre mondiale va profondément modifier la société en un court laps de temps, comme le montre l'abolition de la correction paternelle, datant tout juste de 1945. Mais les institutions de cette société restent, elles, comme toujours, sclérosées et inamovibles. À grands coups de changements cosmétiques, l'administration pénitentiaire camoufle toujours mal ses pratiques fondamentalement rétrogrades. Ainsi, ces 10 dernières années, on a encore dénombré plus de 3000 mineurs par an incarcérés dans ce que l'État appelle ou appelait Maison de correction, maison de redressement, centre éducatif fermé, QM pour quartier mineur, ou encore EPM pour établissement pénitentiaire pour mineurs. Des tôles, quoi. Où l'État entasse ses enfants perdus, auxquels doivent être ajoutés ceux qui ont été placés dans des hôpitaux psychiatriques, par commodité, pour des prisons qui débordent, littéralement. Les cibles privilégiées sont aujourd'hui les jeunes racisés issus des quartiers populaires. Là, à la même place exactement où il y a un siècle et plus se trouvaient les enfants des plus pauvres et des immigrés. Alors oui, la société change, mais ses mécanismes, ses rouages essentiels restent finalement les mêmes. Et puisqu'il nous semble si difficile de tout modifier d'un coup en révolutionnant, dommage pour nous, changeons au moins ce qui doit être changé en priorité. Abattons les prisons, toutes les prisons. Et ensuite, si le cœur nous en dit, il sera toujours temps de nous diriger vers les commissariats, la bourse, les centres commerciaux, les pôles emploi, les villes, la Banque de France, l'Élysée, les églises, les frontières. Bref, comme vous le voyez, il y a encore un peu de boulot. Alors je crois que le mieux finalement, ce serait de commencer maintenant. Vous êtes toujours dans le magazine Libertaire en direct sur Jet FM et on va maintenant parler de centre de rétention administrative, pardon, avec les communiqués de prisonniers en lutte au centre de rétention de Oisel. Oui, alors on voulait relayer effectivement les communiqués de prisonniers en lutte au centre de rétention administrative de Oisel. Donc la prison pour étrangers étrangères de Oisel, donc se situe près de Rouen, est connue pour ses queues violents et racistes. Sa direction réprime tous les mouvements de lutte. Dans cette tôle, le mitard est régulièrement utilisé pour tabasser des prisonniers. Cette prison a été en partie brûlée à la fin du mois d'avril, donc l'an dernier, par des prisonniers après une grève de la faim violemment réprimée. Le 18 janvier, des keufs tapent un prisonnier et l'amènent au mitard. Il en est ressorti le mercredi 22 janvier parce qu'il avait voulu se montrer solidaire d'un autre prisonnier. Le soir, des policiers cagoulés avec des chiens rentrent dans le centre pour foutre la pression aux prisonniers. Depuis, les violences, coups de pression, insultes racistes ne se sont pas arrêtées. Donc, le mercredi 22 janvier au soir, les 42 prisonniers de la section hommes du CRA de Oisel se sont mis en grève de la faim. Et on relaye ici leur communiqué. Au centre de rétention de Oisel, la police est violente et nous humilie tous les jours. Toujours, ils provoquent. Ils disent « baisse les yeux ». La nourriture est froide et n'est pas halal alors qu'il y a une majorité de musulmans. Même la prison, c'est mieux qu'ici. Il y en a qui sont ici depuis 10 ou 20 ans et on les met au centre de rétention. Depuis samedi, c'est encore pire. La police a encore voulu mettre un prisonnier à l'isolement. Son ami s'est opposé et ils l'ont amené aussi à l'isolement. Le soir, il y avait la police avec des chiens et des cagoules dans le centre pour nous faire peur. Le prisonnier qui était à l'isolement, il vient de sortir. Ils l'ont tabassé. Il ne peut pas parler, il a des bleus partout, les yeux et les oreilles gonflés. Hier, ils ont cassé le pied d'un autre prisonnier. Tout ça va pas du tout. Tout le monde se plaint. Nous sommes plus de 42 enfermés ici. Donc là, on fait une grève commune. Ce soir, personne ne mange. On va essayer d'occuper le couloir parce que ce qui s'est passé depuis samedi dernier, c'est encore pire que d'habitude. On revendique la fin des violences policières, de la xénophobie, des policiers et de leur racisme, un minimum d'hygiène et dignité, de la nourriture correcte et halal pour ceux qui ont besoin et des soins corrects. Car ici, il n'y a pas d'hygiène, les chambres ne sont pas nettoyées tous les jours. Alors oui, il parle d'un mouvement qui a eu lieu l'an dernier. Et il me semble que c'était pour les mêmes... ils avaient les mêmes revendications, notamment en ce qui concerne les violences policières. Alors, ce premier communiqué a été écrit le 22 janvier donc, par les prisonniers en grève de la faim de Oisel. Et on peut rappeler aussi le numéro de cabine qui permet de joindre directement les prisonniers donc, dans ce centre et montrer donc, notre solidarité. Il s'agit du 02 35 68 61 56. 02 35 68 61 56. Alors, suite à ce premier communiqué, un deuxième a été écrit en fin de semaine dernière, il me semble. Je n'ai pas la date, mais je crois que c'est fin de semaine dernière. Et on peut lire le deuxième communiqué. Suite à notre mouvement de grève, nous avons eu la visite le vendredi 24 janvier de personnalités comme le député David Cormand, qui ont pu constater les conditions dans lesquelles nous vivons. Aujourd'hui, il y a une petite amélioration pour ce qui concerne les repas. Mais nous ne sommes pas dupes. Ce que nous voulons, c'est de voir l'ensemble de nos revendications aboutir. Nous dénonçons les mauvaises conditions de vie que nous subissons, ainsi que les méthodes répressives de la police. La personne retenue qui a été tabassée a été transférée un matin donc à 5h du matin au CRA de Rennes. Pourquoi cette précipitation? Nous souhaitons que ces agissements cessent. Le collectif des personnes retenues remercie vivement toutes les associations et les personnes de bonne volonté qui nous ont soutenus durant cette grève. Et il y a un troisième communiqué qui est paru aussi donc, par ces mêmes personnes donc, en début de semaine et met plutôt en cause donc, les associations donc, qui interviennent dans le CRA. Et Donc, ce troisième communiqué dit « Bonjour, de nos revendications, il n'y a pas eu grand changement, car les repas qui nous sont servis sont toujours froids. D'autre part, les personnes retenues se plaignent du silence de l'association France Terre d'Asile, qui est présente dans les locaux du CRA d'Oissel. Cette association ne fait rien pour nous aider dans notre démarche, bien au contraire, elle est complice avec la police et surtout avec la préfecture. Concernant notre mouvement de grève, nous n'avons pas reçu de soutien de cette association. Nous dénonçons le comportement des membres de cette association, qui sont Mahmoud Bitar, Charlotte Vimon et Elisa Selmadji. Le collectif demande leur départ du CRA afin d'avoir des bénévoles compétents qui s'occupent de nos problèmes quotidiens. Voilà, c'est signé le collectif. Donc les personnes sont toujours en lutte. Donc il y a toujours moyen de s'informer, de les soutenir donc, en appelant au numéro donc, que j'ai donné tout à l'heure. Sinon, vous pouvez aussi avoir un témoignage d'une personne donc, qui est dans le CRA et qui est en train de vivre donc, tout ce qui se passe actuellement au CRA de Oissel. Il y a un enregistrement donc, que vous pouvez avoir en podcast sur le site de L'Envolée. Donc L'Envolée qui est une émission anticarcérale et qui émet tous les vendredis de 19 à 20 heures sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Et vous pouvez les retrouver sur l'envolée.net. On fait une pause musicale ? Chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. L'héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprend où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observer le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par ton rage. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je peux pas ne pas me positionner. C'est un appel à partager leur peine, mais les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On nous nourrit par l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant. Quoi qu'ils disent, j'écris avec le cœur et la raison. وأنا أحبكم.

Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur JTFM 91.2 et sur JTFM.fr. Je voulais revenir sur les luttes dans les CRA. Là, nous avons parlé de Wessel. Le communiqué, donc, il est paru sur le site abalescra.noblogs.org. Donc, abalescra.noblogs.org. Et vous pouvez trouver aussi d'autres informations sur ce qui se passe dans d'autres CRA en métropole ou ailleurs, en Italie aussi, il me semble, sur ce site-là. On mettra le lien en ligne sur notre blog. Donc, nous allons passer aux annonces. Alors, tout d'abord, je voulais signaler un bulletin qui est sorti. Nous avons beaucoup parlé au moins trois fois de Bure la semaine dernière, annoncé trois rendez-vous, donc, que l'on peut retrouver sur burburbure.info. Et il y a un bulletin qui est sorti, un bulletin contre CIGEO. Donc, c'est un support pour aider à communiquer sur la lutte contre CIGEO autour de vous. Alors, dans ce document, il y a beaucoup d'informations. Il y a le calendrier de l'ANDRA, donc l'agenda de la lutte, les adresses et les blogs, des blogs et mailing lists et autres informations. Donc, ce document n'est peut-être pas parfait. Donc, il tente de présenter les informations importantes de façon accessible et claire. Si vous avez des suggestions, remarques ou corrections, vous pouvez envoyer un message donc aux personnes qui ont mis en ligne ce bulletin. Donc, il y a une adresse mail qui s'appelle enchantier@riseup.net. Donc, ce bulletin, effectivement, il y a 4-5 pages. Et voilà, donc il répertorie où en est l'ANDRA. Donc, en 2019, l'ANDRA s'est faite discrète sur le terrain, en ne faisant que quelques forages et en nettoyant une déchetterie sauvage. Par contre, sur le papier, le projet d'enfouissement des chaînes nucléaires continue de prendre forme. En 2020, l'ANDRA déposera deux documents très importants, donc une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'autorisation de création. Et ce bulletin vous permet aussi de savoir où en est la lutte. Il y a aussi, donc, comme je l'ai dit, un agenda de lutte. On peut rappeler qu'en février, il y a du 7 au 15 février, il y a un infotour en Bretagne. La semaine dont nous avons parlé la semaine dernière, du 24 au 29 février, une semaine en mixité choisie à la maison de résistance à Bure. Donc, je vous dis tout ça, il y a d'autres informations, il y a le calendrier prévisionnel de l'ANDRA et il y a aussi des blogs et des listes d'informations, des liens où vous pouvez avoir plusieurs. Des portails ou des informations donc sur ce qui se passe du côté de Bure. On va passer à l'agenda de la lutte contre la réforme des retraites. Donc les rendez-vous de la semaine, donc aujourd'hui, mercredi 29 janvier, il y a une opération rue gratuite qui est peut-être toujours en cours, donc Resto U gratuit, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est vers la fac de Nantes et peut-être qu'en trouvant les flics, vous trouvez là où vous pouvez manger gratos. À 14h, toujours aujourd'hui, il y a une assemblée de lutte Place Bouffet. Ensuite, il y a des manifs. Donc à Nantes, la manif est à 15h au Miroir d'Eau. À Anceny, à 16h au Pont d'Anceny. À Saint-Nazaire, c'était ce matin. On espère que ça s'est bien passé pour tout le monde et que c'est encore en cours. Et voilà. Et à Nantes, à 18h30, donc 18h30, 21h, il y a des concerts de soutien à la grève à l'appel de l'intersyndicale 44. Et il n'y a pas plus d'infos que ça parce que c'est sous réserve, c'était pas sûr. Mais si vous êtes en manif aujourd'hui, sûrement le mot va tourner et sûrement ça va être annoncé sur les sonos syndicales. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Jeudi 30 janvier, c'est demain, il y aura des informations sur la réforme dans tout le département. Et vous pouvez aller sur le site de la cgt44.fr pour avoir plus d'infos, pour savoir où rejoindre les gens qui sont en train de passer, qui sont en train de tracter et puis d'aller rencontrer les travailleurs. et travailleuses. Le vendredi 31 janvier, il y a un rassemblement à midi devant la CARSAT, qui est une caisse de retraite, qui est la caisse de retraite publique. C'est Place Bretagne, donc à midi vendredi. Et samedi 1er février, il y a une manif à 14h, croisée des trams, et il y aura les garderies populaires de 13h à 18h. Et on rappelle que les garderies populaires, c'est pour les enfants à partir de 3 ans, et qu'il faut les prévenir la veille au 07 53 34 48 24, donc les prévenir la veille par appel ou SMS. Ok, moi je vais vous causer d'une soirée d'infos contre l'agriculture industrielle, l'agrochimie et leur monde, Free the Soil. Free the Soil est un appel international à passer à l'action contre l'impact destructeur de l'agriculture industrielle. Cette campagne dénonce notamment la responsabilité des producteurs d'engrais azotés dans le chaos climatique et social. Pour une justice climatique et sociale, donc sortons de l'agriculture industrielle, c'est leur appel. L'agriculture industrielle est une source majeure de gaz à effet de serre, responsable de 44 à 57% des émissions mondiales. C'est le fait des changements d'utilisation des sols, d'un fonctionnement profondément dépendant de l'extractivisme fossile, pour la production d'engrais notamment, et de l'épandage d'engrais azotés. La production et l'utilisation des engrais de synthèse représentent ainsi à eux seuls 10% des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture industrielle n'est pas seulement néfaste pour le climat et le vivant, elle s'inscrit aussi dans un schéma colonial et perpétue la mainmise de quelques multinationales et organisations du Nord sur le Sud. De plus en plus de terres s'en soustraitent aux paysans et aux paysannes pour mettre en place des monocultures chimisées. La plupart de ces cultures sont utilisées pour les fabrications de biocarburants, d'aliments transformés ou pour l'industrie de la viande, sans égard pour les écosystèmes locaux, les communautés autochtones ou les souverainetés alimentaires locales. De quoi contribuer amplement au chaos climatique et social. Donc l'agrochimie hors de nos vies. Les multinationales des engrais azotés ont un rôle central dans ce système, la France étant le premier pays consommateur de ces engrais en Europe, le deuxième au monde après les États-Unis. Et il est de notre ressort de mettre l'agrochimie hors de nos vies, en solidarité avec les communautés impactées des pays du Sud. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ça, et bien vous êtes invité à cette soirée d'infos qui a lieu donc ce soir à 18h30 à Nantes, à la Maison du Peuple, au 17 rue du Chapeau Rouge. Et ce soir à 18h30, c'est aussi la présentation du livre Stonebutch Blues à Pollen et la permanence exceptionnelle de la bibliothèque féministe des dévoreuses. Ne ratez pas la présentation du livre Stonebutch Blues de Leslie Feinberg, parce que ce texte fait partie de nos histoires de communautés transpédéguines et LGBTQI+, parce que ce texte nous touche, nous porte, nous fait rêver et soutient notre rage, parce que c'est un livre qui parle de nous avec des mots qui nous ressemblent, qui viennent du cœur et du fond des tripes, et qui parle à nos cœurs et à nos tripes. Stonebutch Blues, c'est l'histoire de Jess, née aux États-Unis dans les années 50, au sein d'une famille juive et prolétaire. De son enfance rythmée par les interrogations des passants-passantes sur son genre, c'est un garçon ou c'est une fille, à son adolescence et à sa découverte des bars de nuit où se côtoient lesbiennes, drag queens et travailleuses du sexe, de ses premières embauches en usine avec d'autres butches à sa transition, jusqu'à sa rencontre avec le mouvement LGBT naissant. Son parcours traverse les décennies et nous parle d'amour, d'amitié, de politique, d'identité. Par-dessus tout, Stonebutch Blues est un hommage à la solidarité, à la construction de ces communautés qui nous permettent de tenir ensemble et de survivre à la violence de ce monde. Militante transgenre états-unienne, communiste révolutionnaire et activiste antiraciste, Leslie Feinberg s'est inspirée de sa propre vie pour écrire ce roman en 1993. En dépit de son succès international qui l'a élevé au rang de référence communautaire lesbienne et trans, Stonebutch Blues n'avait jamais été édité en français. Nous célébrons donc aujourd'hui, après 25 ans d'attente, la sortie de la version française de ce texte par Hystérique et Associés. Discussion en présence d'une membre du collectif de traduction, ouvrage à emprunter et ou acheter sur place au prix militant de 13 euros. Et comme toujours, des romans féministes, des ouvrages de militantes, un infokiosque, des livres sur les sorcières, les expériences de travailleuses du sexe ou les combats des femmes racisées. Un coin pour les plus petits, la bibliothèque féministe de l'assaut La Trousse à outils est pleine de trésors à découvrir. Donc c'est ce soir à 18h30, c'est à Pollen, 11 rue des Olivettes, à Nantes.